true. Embrasse-moi, mon amour, que je puisse briller. Puisque on se quitte, tous mes regrets, la bonheur, fait de tant de baisers. Oui, je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'hésite, ce jour est si loin. Mais n'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Mais ça m'est mucho. Embrasse-moi, mon amour, que je puisse briller. La chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Bésame mucho. Si tu entends ce refrain des pays où je vais, bésame, bésame mucho. Dis-toi que c'est la prière qu'au vent t'est confiée. Dis-toi que c'est le désir éternel qui s'envole vers toi que j'appelle. Les yeux m'ouvrent dans la nuit, malgré l'heure qui fuit, quand tout va je dis. Bésame mucho. Si je reviens, mon amour, le bonheur va chanter. Bésame, bésame mucho. Sa chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Bésame mucho. Embrasse-moi, mon amour, que je puisse briller. Puisque on se quitte, tous mes regrets, d'un bonheur fait de tant de baisers. Bésame, bésame mucho. J'aimerais tant me voir atteindre ces grands voiliers. Dans mon cœur j'entends la sirène du port du Pirée. Et retrouver ce vieux café où l'on chantait. J'aimerais t'en revoir Athènes et ses oliviers. Ces oiseaux blancs qui vont et viennent au pied des rochers. Et retrouver ce vieux café où l'on dansait. Ces nuits de folie où l'on dansait le cirque qui vers minuit. Avec tous les gens du pays si gentils. Dans la vie jamais endormi. Près de paradis. Ces nuits de folie où l'on dansait le cirque qui sans répit. Et qui reste encore aujourd'hui, je le dis, le plus beau souvenir de ma vie, le Sirtaki. J'aimerais tant l'année prochaine revoir le Pirée, retrouver la belle bohémienne de l'été dernier. Savait si bien danser dans ce café. J'aimerais tant revoir cette île où l'on est allé. Pour trouver un endroit tranquille pour mieux s'embrasser. Et puis rentrer au vieux café pour bien danser. C'est nuit de folie où l'on dansait le cirque. Vers minuit, avec tous les gens du pays si gentils, dans la vie jamais endormi, près de paradis. Ces nuits de folie où l'on dansait le cirque qui sans répit et qui reste encore aujourd'hui. Souvenir de ma vie, le Sirtaki. Allez, on accélère un petit peu. La cucaracha, la cucaracha. C'est un rythme de là-bas. La cucaracha, la cucaracha. Danser la peau, la même pas. La cucaracha, la cucaracha. Les enfants, les grands papas. La cucaracha, la cucaracha. En famille, on la dansera. Et visitant les Amériques, je suis passé au Mexique. J'ai entendu ces musiques qui feront épileptiques. À Morango, Grand Sombrero, dans les artères de Mexico. Et là-bas, en plein carnaval, en famille, on la dansera. La cucaracha, la cucaracha, c'est un rythme de là-bas. La cucaracha, la cucaracha, danser la sauce d'Amemba. La cucaracha, la cucaracha, les enfants, les grands-papas. La cucaracha, la cucaracha, en famille on la dansera. En quittant les Amériques, je suis repassé par l'Afrique. Et là-bas comme en Belgique, on aime les rythmes exotiques. J'ai gardé mon grand sombrero en souvenir de Mexico. Chaque fois qu'on fêtera carnaval, nous ouvrons toujours le bal. Thank you. Quand on a 20 ans, on ne pense pas, on est insouciant. Quand on a 30 ans, tout est épatant, on prend la vie à pleine dent. Quand on a 40 ans, c'est papa, c'est maman, on élève nos enfants. Quand on a 50 ans, c'est déjà la mi-temps, on n'y croit pas vraiment. C'est ça la vie, on n'a pas choisi, chacun son chemin, c'est là notre destin. C'est ça la vie, on n'a pas choisi. 15h pile, la pendule de Radio Arc-en-Ciel, on va démarrer l'émission d'accordéon de nos régions. Jusqu'à 15h30 avec Michel, jusqu'à 15h30. Je vous souhaite un bon après-midi à l'écoute de notre radio 96.2, je le rappelle. Et pour le téléphone, 02 38 43 48 00. Je repasserai la chanson vieillir tout à l'heure parce que je sais que ça fait plaisir à certains et à certaines. On démarre donc avec l'indicatif. Commencer cette émission donc à 13h03, pardon, et non pas 15h, jusqu'à 15h30, comme chaque dimanche actuellement. Et on écoute quelques-uns, frères et sœurs, monter un orchestre, malheureusement pour l'accordéon. Ils ont abandonné, c'est dommage, ils étaient bien partis. Enfin, ils ont des bonnes places, donc ça remplace. Et c'est notre ami Jean Cambon qui les avait découverts, qui les a conseillait, qui les encourageait à continuer. Et c'était bien. Il y avait donc deux frères et une sœur. Ils s'appellent les Petits Félus à l'époque. Frédéric, Sébastien et Laura, qui nous interprètent tout de suite Beau pays d'Auvergne. Beau pays d'Auvergne. C'est une valse dédicacée de la part de Simone pour tous ses amis de l'accordéon, des têtes d'encens, pour Mamie Geneviève et pour l'animateur. Merci. Combien je t'envie, étant sous d'autres cieux, malgré les distances et la nostalgie. Bien à toi, je pense. Voir mon pays. Accompagné de ce morceau par la guitare de Jean Cambon. Malgré les distances et la nostalgie, bien à toi je pense, à toi mon pays. Auvergne jolie, pays merveilleux, combien je t'envie, étant sous l'autre ciel. Et la nostalgie, bien à toi je pense, Auvergne mon pays. Les Petits Félus qu'on écoutera bien sûr, on écoutait Claude Caron et ça s'intitule L'accordéon en fête. avec Claude Caron et c'est au pays des balles, au pays des ch'tis. Donc c'est la région nord. C'est interdit, n'y entrez pas. Ce grand amour n'appartient qu'à moi. J'ai découvert l'île au trésor. Pour ma princesse, je suis matador. Mon crucifix, mon idéal. Mes évangiles du bien et du mal. C'est interdit, n'y touchez pas. Et je suis prêt à mourir pour ça. J'ai promis, juré, de vivre pour elle, de la suivre pas à pas. C'est mon égérie, c'est mon arc-en-ciel. Je suis sûr qu'elle est à moi. C'est interdit, n'y entrez pas. Ce grand amour n'appartient qu'à moi. J'ai découvert l'île au trésor. Pour ma princesse, je suis matador. Mon crucifix, mon idéal. Mes évangiles du bien et du mal. C'est interdit, n'y touchez pas. Et je suis prêt à mourir pour ça. Entre la terre et l'infini, elle vient d'une autre galaxie, comme un cadeau tombé du ciel. peux pas vivre sans elle. C'est interdit, n'y entrez pas. Ce grand amour n'appartient qu'à moi. J'ai découvert l'île au trésor. Pour ma princesse, je suis matador. Mon crucifix, mon idéal, mes évangiles du bien et du mal. C'est interdit, n'y touchez pas. Et je suis prêt à mourir pour ça. C'est interdit, toujours par Claude Caron. Et on va revenir à une valse demandée de la part de Mamie Geneviève pour Simone, pour l'animateur, merci. Et on écoute une valse Lou Cantou par Frédéric Laura et Sébastien Felu. L'aventure avait qui n'aime pas, pourtant je reviens chez nous. Bien les accrocheurs ne sont plus là, le soir autour du cantou. Mais pour échanger mon cœur meurtri, le doux regard de l'amour. Ici près de l'autre me sourit, il attendait mon retour. Chante, chante. Cabrette, un air très doux, berce les rêves de mon cœur. Chante, chante, cabrette, un air très doux, quand je retrouve mon cantou. Toi le vieil ami qui nous revient, viens t'asseoir dans le cantou. Et toi qui ce soir as du chagrin, viens t'asseoir dans le cantou. Les châtaignes dans Et on écoute maintenant, toujours avec des petits fêlus, Solitude, une composition de Jean-Désiré Bailly. Et c'est de ma part, pour Christiane à Saint-Jean-de-Noël, à qui je fais de gros bisous. Solitude. Thank you. triste la solitude. Quand l'être cher vous a quitté, on a beau changer d'habitude, rien ne remplace l'être aimé. La vie pleine d'incertitude, parfois semble de quoi des malheurs que l'on partage en cœur diminuent chaque jour. Maintenant, on va écouter Nathalie Bernard qui va nous interpréter Belle Jonquille d'Aubrac. Belle Jonquille de l'Aubrac, joie du printemps. Vous êtes toute ma mémoire et j'ai 20 ans. Quand vos parfums au goût sauvage s'envolent au vent, moi j'ai les yeux dans les nuages, le cœur battant. Viennent les amants vous raconter tous les serments et leurs secrets de Saint-Alban. À Saint-Ursule, bouquet de fleurs jaunies, belle jonquille de l'Aubrac, éternité. Vous êtes écrite dans l'histoire de mon passé. Vous êtes écrite dans l'histoire de mon passé. Belle jonquille de l'Aubrac, sous le soleil, raconter mille légendes, tant de merveilles. comme les fontaines, les croix de pierre sous le couchant s'en vont dormir dans la lumière des vieux volcans. Passe le printemps, revient l'été, toutes les gens qui auront fané de Saint-Juéry à Malbouzon, les fleurs s'envoleront. Belle jonquille de l'Aubrac, éternité, vous êtes écrite dans l'histoire de mon passé. C'était donc Nathalie Bernard, belle jonquille de l'Aubrac. On continue, il est 13h28, on est ensemble jusqu'à 15h30, il nous reste donc 2 heures. Et on va continuer bien sûr avec l'accordéon de nos régions et l'accordéon musette également. Et on revient à Claude Caron, qui va nous interpréter cette fois-ci une composition de si j'arrive à lire. Non, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Et ça s'intitule, alors j'ai fait une petite erreur, ça s'intitule Le Nord, mon pays. Non, c'est pas ça, alors là il y a un petit problème, j'ai dû me tromper quelque part. Bon, on va écouter Nathalie Bernard en attendant, parce que là il y a un petit mélange. Ça s'appelle Au premier jour. Nathalie Bernard. Continue cette fois-ci, on va tâcher de ne pas faire d'erreur, de mélanger. On va écouter une composition de Pascal Sevran, interprétée par Claude Caron, Quand on écoutait la radio. Et c'est ce que vous faites actuellement. Hein. Quand on écoutait la radio, Aller le dimanche danser au bord de l'eau. Regarder les pêcheurs et les filles en maillot. On avait des romances et des chansons d'enfance. Quand on écoutait la radio, on allait en vacances à deux sur un vélo. On entendait Maurice chanter sur un photo. Il y avait des romances et des chansons d'enfance quand on écoutait la radio. C'était joli, c'était la France et la vie comme avant. Souvenir de Paris, cinéma, nostalgie, c'est toujours le même scénario. De l'amour qu'on écrit, d'hier et d'aujourd'hui, sur un air de rock ou bien de tango. À Saint-Germain-des-Prés, il y avait des java, du jazz et des zazou et du swing à papa. Il y avait des romances et des chansons d'enfance quand on écoutait la radio. Les garçons de 20 ans se prenaient pour Rimbaud. Il y avait un poinçonneur au lilas du métro. Il y avait des romances et des chansons d'enfance quand on écoutait la radio. On allait le dimanche à deux au bord de l'eau. Regarder les pêcheurs et les filles en maillot. Il y avait des romances et des chansons d'enfance quand on écoutait la radio. Les garçons de 20 ans se prenaient pour Rimbaud. Il y avait un poinçonneur au lilas du métro. Il y avait des romances et des chansons d'enfance quand on écoutait la radio. Quand on écoutait la radio. On écoute maintenant une composition de Michel Prévost et Thierry et André Rock. Et ça s'intitule Belle Gitane par Jean-Michel Olivier et son orchestre. Danse pour moi. Je suis pas à pas, tes rires et tes larmes, ma fille de roi, et moi pauvre diable, je baisse les armes, ma belle gitane. Viens avec moi, belle gitane, c'est plus fort que moi, je suis sous ton charme. Je donnerai pour toi ma vie et mon âme, que l'amour me damne, ma belle gitane. Guidera ton chemin en terre catalane. Je suivrai au loin ta robe de flamme, jolie fleur d'Espagne, ma belle gitane. Et on continue sur Arc-en-Ciel 96.2, comme l'a dit le monsieur. On continue avec Claude Caron, je crois. Oui, c'est ça, c'est Claude Caron qui est calé. Et c'est une composition de Roland Gerbeau, et ça s'appelle Sainte Rita. Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, gueule tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais que tu entendras. Rita, toi dont le sacrifice, le désespoir, mis le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi, tes chers petits n'ont qu'une idée des pas. Sainte Rita, ma donne d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel, t'as prise par la main. Et de ta vie, il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire. Et je suis beau que le monde en pleura. Et dans sa gloire, il se pencha vers toi. En te confiant sa couronne d'épines, que tu serras contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie, Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux. Au petit bal des violettes, interprété par l'orchestre de Nathalie Bernard. L'Aveyron, c'est mon pays, c'est la terre de mes ancêtres. Il est toute ma patrie, ça jamais je ne l'oublie. J'en ai fait mon paradis, sous le vent et dans l'air. l'herbe folle, avec mes chansons, mes idoles, l'accordéon sur le cœur. Moi là-bas, je suis né par un beau soir d'été, au petit bal des violettes. Mon père, ma mère dansaient pour ne plus se quitter, au petit bal des violettes. Un beau jour de printemps, ils n'avaient pas 20 ans, quand ils se sont fait tourner la tête. Sous le ciel étoilé, ils se sont tant aimés, au petit bal des violettes. Jamais fini de faire danser les amis. Quand de Rodez à Paris, tous ils nous invitent à la fête, comme un refrain qui se répète, c'est lui mon porte-bonheur. Moi là-bas, je suis né par un beau soir d'été, au petit bal des violettes. Mon père, ma mère dansaient pour ne plus se quitter, au petit bal des violettes. Un beau jour de printemps, ils n'avaient pas 20 ans, quand ils se sont fait tourner la tête. Sous le ciel étoilé, ils se sont tant aimés, au petit bal des violettes. La nature est familière, et de Privas à Annonay, les paysages nous font rêver. À la Souche, la salle des fêtes fait de joyeux bals musettes. Bébert Michel vous accueilleront, ils sont fous de la corde. We'll be right back. corps magique, à pied, en auto, à vélo, on va de vallée en coteau. On peut y pêcher la truite, les auberges vous invitent, les petits marchés du samedi vous feront déguster la vie. On est heureux en Ardèche, y a rien de mieux que l'Ardèche. Ce beau pays haut en couleur a su apprivoiser mon cœur. La vie est belle en Ardèche, on nous appelle en Ardèche. C'est sûr, vous trouverez ici un avant-goût de paradis. Madison, Madison par Nathalie Bernard. On va continuer avec une dédicace de la part de Paulette de Fleury-des-Aubrais pour ses voisins Monique et Jean. Il me semble qu'il y a une chanson qui s'appelle Monique et Jean, mais ça n'a rien à voir pour Monique et Jean. Et pour l'animateur, merci Paulette. Et on écoute Guy Lenoir, accompagné par son mari à l'accordéon, et qui nous interprète La vie commence à 60 ans, il y a de l'espoir. La vie commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant, et que l'on a appris par cœur tous les raccourcis du bonheur. La vie commence à 60 ans, quand on peut prendre enfin le temps de répondre aux questions qu'on pose, de s'approcher des choses. autrefois nous l'avions été. La jeunesse est pressée, elle a ses problèmes et ses soucis, nous les avions aussi. L'existence est une affaire de patience, où chaque âge a ses plaisirs, où il faut savoir vieillir. La vie commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant, et que l'on a appris par cœur tous les raccourcis du bonheur. La vie commence à 60 ans, quand on peut prendre enfin le temps de répondre aux questions qu'on pose, de s'approcher Les filles sont compliquées de nos jours, elles le seront toujours. Toutes celles que j'ai connues dans le temps, on en fait voir autant. Puis un jour vient le grand amour, on fait le chemin à deux, et la tendresse peu à peu. La vie commence à 60 ans, quand on se réveille en chantant, avec une voix toute neuve et un moral à toute épreuve. Quand on a encore tout à faire, planter ses roses, être grand-père, chaque instant est un commencement. La vie commence à 60 ans. 13h55 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel, on écoute Mathieu Martini. La ronde corrézienne. Quand tu danses en cadence, tu fais tourner bien des cœurs. Quand tu chantes, tu m'enchantes et tu es tout mon bonheur. Tu m'affoles, tu es drôle quand tu me prends par la main. Toi si frêle, toi si belle, que je me perds en chemin. Toi la ronde corrézienne, musicienne, tu es mienne. Toi la ronde corrézienne, moi je chante ton refrain. Tu voyages sans bagage de Corrèze à Saint-Martin. Tu es sage sans nuage et tu noies tous mes chagrins. Thank you.

tombe sur le bois. La biche affolée, cachée dans les fourrés, restera aux abois. Quelques gouttes de pluie sur les dernières feuilles viennent bénir le corps. La forêt consternée semble porter le deuil de son roi qui est mort. Notre grand cervidé se montre dans l'allée qui déboule du corps. Mais le chasseur usé s'approche sans pitié dans un élan de mort. Et la veste maudite place son fusil sur un tronc d'arbre mort. Notre grand cerf est mort. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Et on écoute maintenant, il est 14h04. On écoute maintenant Guylaine Laure. Et ça s'intitule Rose de Picardie. Les sonneurs, honneur au sonneur, avec les cordes de chasse, bien sûr, de Cyril Musique. Thank you. bien voilà, c'était donc Cyril Musique, autrement dit Cyril Haricot, que j'ai reçu plusieurs fois à Radio Arc-en-Ciel. Mais actuellement, on n'a pas le droit d'inviter qui que ce soit, donc... De toute façon, je n'ai pas d'émission le samedi. Et ces gens-là travaillent le samedi soir et le dimanche, et le lundi, ils se reposent. Ce qui est tout à fait normal. Si ça va démarrer. Les noces du chasseur. Corps de chasse à Chambord. J'arrête parce que le son n'est pas bon. Est-ce qu'il y avait du vent? J'en sais rien, mais le son n'est pas bon. C'est pas la peine d'écouter ce morceau. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bol d'or des monnaies, Nicolas Violet. En ce jour d'août, sommeil tout entier est en fête. Chacun s'apprête pour le bol d'or. Jean Ségurel offre un public innombrable, une admirable page de sport. Dès le matin, la foule affluée de village change de visage, c'est le bol d'or. Voir pédaler tous les grands as qui s'y engagent. Ah oui, vraiment, cela vaut le déplacement. Bol d'or, des monnaies d'hier, tu roules tous les champions qui roulent devant la foule sous un tonnerre. Bol d'or, des monnaies d'hier, seuls les grands ont gagné la gloire d'une victoire. Ici n'est pas à dédaigner. Les grands coureurs sont assiégés par l'assistance. Champion de France, vainqueur du tour, ils sont là en chair et en os, c'est fou. formidable, inoubliable. À quel beau jour, les journalistes, les photographes, chacun son presse, radio et presse, mettent leur concours. Tous les sportifs connaîtront demain les prouesses que les coureurs vont réaliser tout à l'heure. Des monnaies bordées de bruyères, de genêts d'or. Sur le parcours, la foule vibre à chaque passage. La lutte fait rage, il y a du sport. Les favoris sont déchaînés, ils mettent la danse. Et la cadence augmente encore. À l'arrivée, quel enthousiasme, quelle ambiance. Une fois de plus, un très grand coureur a vaincu. Paul Dor. Des monnaies d'hier, tu oublies tous les champions qui roulent devant la foule sous un tonnerre d'acclamation. Voltaire, des monnaies d'hier, seuls les grands ont gagné la gloire d'une victoire. Ici n'est pas ça. Quelqu'un qu'on n'entend pas souvent comme notre accordéoniste sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, c'est Adolphe de Prince. Il interprète, silence, il interprète maintenant, Adolphe de Prince, la Java des As. Fatigué, c'est arrêté brutalement. Le retour des hirondelles, Adolphe de Prince. Non, c'est Jean Lauvergnat, pardon, excusez-moi. Thank you. pour tous les Portugais qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a beaucoup parce qu'ils aiment l'accordéon, aussi bien en France qu'au Portugal d'ailleurs. Surtout l'accordéon, comment dirais-je, folklorique. On va écouter une composition de Pierre André, Sacré Portugais, interprété par Nicolas Violet et son orchestre. We'll be right back. fois c'était aussi des camelots de partout, sur les phares de chez nous. Quelques chevaux attachés aux ailes des petits cafés, où pareil à des statues attendaient le long des rues. La Berthenoux ou à Saint-Loup s'était ainsi dans le Berry. Les marchés du Berry, lieu de rencontre aussi pour les gens du pays. Échange de produits entre nous sans façon au pays berrichon. Les marchés du Berry, pour nous c'était aussi boire un verre entre amis. Un jour les verra-t-on quitter la tradition, les marchés berrichons. Marché du Barbéry, autrefois c'était aussi des camelots de partout, sur les phares de Chine. Quelques chevaux attachés aux ailes des petits cafés, tout pareil à les statues, attendaient le long des rues. La Berthenoux ou à Saint-Loup s'était assis dans le Berry. Les marchés du Berry, lieu de rencontre aussi pour les gens du pays. Échange de produits entre nous sans façon au pays berrichon. Les marchés du Berry, pour nous c'était aussi boire un verre entre amis. Un jour les verra-t-on quitter la tradition, les marchés berrichons. Échange de produits entre nous sans façon au pays berrichon. Les marchés du Berry, pour nous c'était aussi boire un verre entre amis. Un jour les verra-t-on quitter la tradition, les marchés berrichons. Eh bien, on reste dans le Berry avec la Sabauté Sancerroise et un enchaînement de danse qu'ils ont interprété pendant le confinement. Interprété chez eux, bien entendu. Et c'est de ma part pour Anne-Marie à la source, si elle est à l'écoute. Thank you. Quitter le Berry pour retourner avec Nicolas Violet en Auvergne. Une bourrée, c'est un jeu de mots, je n'ai pas fait exprès. Thomas Trobu, voilà, c'est une bourrée, je précise. ventru. T'as pas trop bu, bah tu vois bien que t'as plus soif. T'as pas trop bu, tu vas voir ton esthète. T'as la blague qui va te chercher, cache-toi vite derrière moi. Elle t'a les manches à balai, tu vas te prendre une ventelée. Ne fais donc pas le mariage, tu sais qu'est-ce que t'es pour toi. Va dans les cabinets, là-bas on va pas te trouver. Va donc dans les cabinets, là-bas on va pas te trouver. On arrête, n'est-ce pas, parce que on ne peut pas passer que ça. On va écouter maintenant, pendant un certain nombre de minutes également, des airs de Musette dans les Alpes. Elle est arrivée de Norvège, au pays. Elle était des étoiles des neiges, la plus jolie, envoûtée par tous ses sortilèges. Amoureux transi, un jeune et beau garçon pris au piège. Si vous voulez ma douce amie, partagez ma vie. Je promets de vous aimer toujours, plus fort chaque jour. Pour pour elle, il a quitté sa montagne. Sa vallée. On dit qu'il a suivi sa compagne. Sans un regret. Là-bas dans son pays de cocagne. Il s'est marié. Et quand ses souvenirs l'accompagnent, on l'entend chanter. Rameneur, je suis un rameneur, un petit savoyard au grand cœur. Je ne possède pas de fortune, je dors sous la lune. Et si vous voulez ma douce amie, partagez ma vie. Je promets de vous aimer toujours, plus fort chaque jour. Étoile des un gars sentimental qui rêve encore à l'amour idéal. Quand tu t'en vas, je ne rêve qu'à toi, à ta beauté, à ton gentil minois. Bientôt nous aurons notre nid d'amour que nous ferons rimer avec toujours. Jour après jour, dans cette bonne ambiance, je resterai ton ami, ton amant. Étoile des elle est aussi brève. Je ne veux pas me créer de problèmes dans des folies souvent sans lendemain. Je suis à toi et tu me le rends bien. Pourquoi irais-je chercher le bonheur sous d'autres cieux? Ce serait une erreur. Je te dédie cette passion lyrique, ce chant d'amour, cette tendre musique. Étoile des destin. amis comme interlaquer jusqu'au dernier au col du Brenner. D'azur le Rhône sur les hauteurs va serpentant. Autrefois dans ton château de Ripaille, sublime espace du Mont Blanc. Eh bien, on va changer de région un peu, parce qu'on ne va pas rester en Savoie, dans les Alpes. On va retrouver encore une fois la bourrée sancerroise lors d'une fête à Savigny-en-Sancerre que Anne-Marie connaît bien. Et c'est de ma part pour Anne-Marie, et puis de la part d'Anne-Marie pour l'animateur, et bien merci, merci à nous deux. Comme ça, ça évite une communication téléphonique. La sabotée sancerroise à Savigny-en-Sancerre. Enregistré à l'extérieur, c'est pas très bon. Hein. Je vais remplacer ça par un titre de Nicolas Violet, une interprétation de Nicolas Violet plus exactement. Et ça s'intitule C'est à Madison, composé par Jérôme Salé. Et c'est Anne-Marie La Berrichonne. J'espère qu'elle sera contente. Un jour naquit dans notre Berry une jolie fille surnommée Lily. Quand il joue au sourire battait pour elle. Les gens passèrent et la demoiselle poussée du paragas du pays. Les fiançailles, les amours ont suivi. On est tous fiers de Lily. Elle est charmante, toujours souriante. C'est une fille qui fait rêver. Quand je la vois, je sens en moi tous mes soucis s'envoler. Elle me rend fou, j'en le dis tout. Je ne pourrais plus m'en passer. C'est toi la plus belle, tu nous ensoleilles. Lily, tu nous fais craquer. De jolies fleurs cueillies dans les prés. Quand vient midi pour le déjeuner, son petit bistrot est toujours pompé. Dans le prairie, on aime bien danser. Avec Lily, on va s'amuser. Eh oui, oui, c'est un peu gros, j'ai modifié Lily en un de Marie, mais c'est pas grave. Hein. Elle est charmante, toujours souriante. C'est les gestes qui font. Toujours dire. Quand je la vois, je sens en moi tous mes soucis s'envoler. Elle me rend fou, j'en oublie tout. Je ne pourrai plus m'en passer. C'est toi la plus belle, tu nous ensoleilles. Lily, tu nous fais craquer. Arc-en-ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. Eh bien, si c'est du soleil plein les oreilles, aussi du soleil dehors. On va écouter, oui, pour faire plaisir à pas mal d'auditrices et auditeurs qui m'appellent, un petit coup de berlo audio. Ça fait quand même depuis le mois de mars. Berlo audio manque à l'antenne là. Les samedis ou les dimanches, surtout les dimanches. Eh bien, écoutez, on va écouter Jésus Fa, rien à voir avec Jésus-Christ, hein, je vous le signale tout de suite. Jésus Fa par notre ami Patrick Rénal, que voici. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas écouté. Hein. Ah, je veux, mais là, je vais vous en raconter une. C'est l'histoire d'un poule d'or, un poule gamin, Gaston. Gaston Lucas, et pas toi mon petit, j'en ai un autre. Gaston Lucas, 22 ans, Tagaway. 22 ans pour le petit. L'aujourd'hui à sa manque, elle l'appelle, elle fait Gaston. Gaston, la boutique est foulée sur l'hypo. Gaston, le v'là qui se ramène lui. Elle doit dans le nez, la culotte à la main. Ben, j'étais derrière le camp de fumier, je me laisse aller. 22 ans, Tagawa, elle a dit, abruti, va. Tu vas aller me trier du pain. Il dit, oui, maman. Le v'là parti. Tout d'un coup, ça retourne et dit, ben, tu m'as pas donné de ticket. Mais bon Dieu d'abruti, ça fait moins 20 ans que le pain, il est libre. Ah ben, je savais pas. 22 ans, Tagawa. Le v'là parti. Une heure à se passe. Deux heures, trois heures, il était pas revenu. Ben, il y a ça m'en fait qui fou. Mais où tu sais qu'il est-il passé, ce Toripio? Il est encore passé sur un tombeau. Oh, un type pas malheureux que je peux même pas l'envoyer au pain. à 22 ans, si c'est pas quelque chose. Oh, tout d'un coup, elle paie Mathieu. Elle dit, paie Mathieu. Quoi, tiens, ma Marie. Elle dit, m'avait pas vu mon gars. Oh, dit ma pauvre femme. Avec mes hémorroïdes, je vois plus clair. Elle dit, m'avait donc des hémorroïdes. Ben, il dit oui. J'ai attrapé ça la guerre au front. Ah. Elle dit, c'est quand même bizarre parce que moi j'ai mon albel, elle va attraper ça ailleurs. Ce pauvre vieux l'homme la partie, mais toujours point de gars, où tu sais qu'il est-il fourré. Tout d'un coup, la Joannette, elle se ramenait elle, elle marchait sur cette route, elle se tenait l'œil, cette petite gamine, elle dit, où donc tu vas, ma Joannette? Oh, bah dis, je m'en vais aux yeutistes. A dit ma pauvre vie, a dit j'ai une paillette dans l'œil, je vois plus rien du tout. Ma Marie, mais, a dit ma pauvre femme, mais ma pauvre gamine, mais ma pauvre Jeannette, mais on dit pas un ziotiste, on dit un oculiste. Oh, a dit j'ai pas mal au cul. A dit écoutez donc, a dit croyait-il j'aurais mal au pied de géropédéraste. A que je m'en vais au ziotiste et puis c'est tout. Lave la partie, et puis toujours point de gars, et il revenait pas, cet abruti, mais où t'il est fourré. Tout d'un coup, elle entend un charivari du tonnerre, c'est le genre, de la ferme un peu plus haut. Il t'avait attelé la bourrique, il tapait dessus encore doublé. Et d'où tu vas, genre? Il dit, toujours. Eh ben, je m'en vais au docteur. Puis je voyais, toi, c'est quelque chose au docteur. Elle dit, t'aurais pas vu mon gamin? On dit, je suis dans une colère. Ah, j'y vais au docteur. Ben, dis donc, qui t'a fait le docteur? Oh, dit, taisez-vous dedans. Et j'y vais l'autre semaine, c'était jour de marché, j'en profite, je vois le wear. J'ai dit que j'étais pas mon aise, tout ça, il m'a sculpté. Il m'a sculpté partout. Tout d'un coup, il me dit, comme ça brutalement, allez voir la selle. Oh, c'est bien, j'avais l'air bête, mais j'ai dit, à la selle, ça peut pas être ça, docteur, ça fait au moins 10 ans, j'ai pas fait de vélo. Mais dis, mon pauvre homme, mais je vous demande pas ça. Je vous demande pas ça. Je vous demande si vous allez au... Ah, il dit, au bout du jardin. Ah, dis donc. Oh, dis, je peux bien prendre mon temps, il n'y a rien à faire, ça ne veut pas venir. Oh, ben le docteur dit, c'est pas grave. Je vais vous donner quelques suppositoires que vous prendrez au rectum. Ouais. Il m'a donné les suppositoires. Bon, ben je dis, rectum, il y en a sûrement un à la maison. Surtout, ma femme, avec le trousseau qu'elle a eu, elle doit m'avoir ça dans sa tête. J'arrive à la maison, je dis, Louise, prête-moi ton rectum. Là-bas, comme zieux, t'as avec un éléphant. Il m'a dit, mais j'en ai point. Quoi? T'as point de rectum avec le trousseau, t'as moi t'a laissé, prête-moi-le. Mais je veux pas te le casser, prête-moi-le. Prête-moi ton rectum, c'est pour mes suppositoires, puis c'est tout. M'a dit, puis je te suis, j'en ai point. T'as qu'à aller Welpé François qui a fait les colonies. Il n'en a peut-être un qui n'est pas trop usé. Ouais, j'y appelais tout. Je vois où est le François. J'ai dit, non, François, je te dérange pas. Il dit, non. Dis donc, tu pourrais pas me prêter de rectum, toi. Ah, oh, il dit, mon pauvre gamin, c'est pas que je veux te refuser. Mon en plein déménagement. Ah, je sais pas si dans la chorette ou bien dans la maison. La colère me prend, je rentre chez moi, je dis tant pis, je vais les avaler. Bon ben ouais, je fous ça dans un verre. C'est-il, j'ai mis ça avec les épluchures, je me le demande, ils voulaient pas fondre. Je les avalais tels que, ils sont là étagés en randonnion. Mais, vous entendez même ma pauvre femme, j'y vais au docteur, puis je vais dire qu'il y a du monde ou qu'il n'y en a pas, je m'en fous. Je vais me lever, je vais dire, docteur, c'est à moi. Et je viens à cause de vos suppositoires de rectum. Eh ben, j'aurais bien fait me foutre ça au-dessus, ça m'aurait fait plus de bain. Taper dessus. quel problème, pour un gars du métier, faut quand même faire semblant de travailler. Le roi de la reine, quand il est là, dans son habit de lumière, c'est lui le roi, au slave en gaine. Le roi de quoi? Il n'a plus rien d'autre à faire. Parce qu'elles aiment ça, c'est toréador le charme. Elles aiment sa voix. Il y en a qui spament et d'autres qui s'enflamment. Ça fait souvent des drames et un drôle de dégât. Le roi de la reine, quand il s'en donne la peine, c'est pire que la vraie corrida. Oh là. Canada. Tous les gars ont compris ça. Tous les gars veulent faire ce métier-là. Ça fait que maintenant les taureaux, y en a trop, des petits, des gros, y en a trop de Grenada, Bilbao. Car pour faire une vraie mise à mort, rien à faire, on peut plus de matador. Le roi de la reine, quand il est là, c'est toréador le charme. C'est bien le roi, c'est lui qu'on aime. Le roi de quoi? C'est lui qui sait plaire aux femmes. Le roi de la corrida, elles viennent en foule. Ah, qu'elles aiment ça. Et aussitôt qu'il roucoule, elles aiment sa voix. Ça les fascine. Et de sa voix câline, il fait tant de victimes et un drôle de dégâts. Que le roi de la reine, quand il pousse la rengaine, c'est pire que la vraie corrida. Et on écoute maintenant, non pas Le Roi de la Reine par Nicolas Violet, on écoute maintenant Granada. Granada interprété par le Mandoline Club de Paris, direction Jeanne Ricada Matorez. Et ce sera donc Granada. La Machiche part toujours par le Mandalay Club de Paris. On a écouté auparavant Granada, El Piconero, Humoresque Polka et La Machiche actuellement. Et on va terminer l'émission dans quelques minutes. Je vous laisse en compagnie d'RDP International en direct du Portugal, la radio diffusion nationale portugaise. On se retrouve demain à partir de 14h jusqu'à 16h pour un cocktail coloré. Avec un petit peu d'accordéon, bien entendu. Et des chansons. Et de la musique. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On va se quitter dans 10 minutes. On se redit, on dira bonsoir tout à l'heure. De Paris, direction Jeanne Ricada Matorrez. Vous l'écoutiez sur les ondes d'une radio périphérique voilà quelques années, hein, dans les années 50 à peu près. Et on va écouter, pour terminer l'émission, on va terminer avec Erika, la princesse belge de l'accordéon, et tout de suite les lacs du Connemara. La FM en couleur.